J'aime mon nez. Les oiseaux partent. Je ne pars pas, dit l'oiseau rouge. J'aime ce nez. L'oiseau rouge s'assoit dans le nid. La neige tombe. L'oiseau rouge frissonne et frissonne. Je dois partir, dit l'oiseau rouge. La neige tombe sur l'oiseau rouge. Elle tombe sur sa tête. Elle tombe dans son nid. L'oiseau rouge est coincé dans son nid. Allez, crie-t-il. Je suis coincé dans mon nid. Les oiseaux sont au soleil. L'oiseau rouge n'est pas là, disent-ils. Allons chercher l'oiseau rouge. Les oiseaux viennent chercher l'oiseau rouge. Je suis coincé dans mon nid, dit l'oiseau rouge. Nous allons emporter le nid, disent les oiseaux. Youpi, dit l'oiseau rouge. Je m'en vais. Mon nid vient avec moi.